J'espère partir sans trop souffrir. Alors maintenant, autant mourir. Car pour la première fois, je n'aimerais pas que tu sois la plus rapide. Écrire l'ironie sur un ton désabusé, les mots sont alors déshonorés. Quand ils se mettent à pleurer tout seul, sans moi pour pouvoir récupérer et essuyer leurs larmes sur des pensées envahissantes qui ne savent plus servir aux pitreries du hasard. Mais les mots sont là et elles ne craignent plus rien quand elles se serrent contre eux et finit par les croire. Quand il ne nous reste plus que pour se fabriquer ce même rêve, toujours celui-là, quand il aboie, il nous dérange, quand il se tait, il nous inquiète. Et on tend les bras le plus loin qu'on peut pour rester en équilibre. Mais il est tellement fragile, surtout s'il a sans queue. La chute semble tentante, car le paradis est incohérent. Mais les mots sont là et elle ne craint plus rien quand elle se serre contre eux et finit par les croire. Mais les mots sont là et elle ne craint plus rien quand elle se serre contre eux et finit par les croire.